بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وحفظكم الله. Donc on va poursuivre dans cette partie du livre dans laquelle le shir حفظه الله تعالى énumère ce qu'il a trouvé comme nom d'Allah عز وجل à travers l'épreuve du kitab de la sunna, pour démontrer également que ces noms d'Allah Azawajal, par rapport aux adillah qui nous ont été donnés de connaître, ils sont bien plus que 99. Donc la dernière fois, on s'est arrêté à Al-Hafiz ou Al-Hafiz, qui était le 33e. C'était Al-Khayr ou Al-Hafiz ou Al-Hafiz. Donc c'était arrêté au 33e nom. Yaqulu, Hafizallahu Ta'ala, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Muta'al. Donc Al-Alim, c'est le savant. Al-Kabir, c'est le grand. Al-Muta'al, ce serait le splendide. Takriban. Wad-Dalilu, qu'Allah Azza wa Jal, Alim al-Ghaybi wa shahadati, Al-Kabir, Al-Muta'al. Dans le sens où Allah dit, en parlant de lui-même, qu'il est le savant de l'invisible et de l'apparent, le grand et le splendide. Sur la terreur de tonnerre, verset 9. ثم قال المالك المالك المقتدر. Donc المالك et المالك sont à peu près le même sens, qui est le sens de souveraineté, de royauté et même de possession. Car المulk, ce serait la royauté. Ou المilk, ce serait la propriété. Et tous viennent à la même racine qui est le mim, le lem et le kaf. Donc Malik, Malik et Malik, tous sont venus. D'ailleurs, en Fatiha, on dit Malik Yomiddin, on peut dire également Malik Yomiddin. Mais en français, on le traduira par les mêmes sens, par le même mot. Ad-Dalil qu'Allah Azza wa Jal, Malik Yomiddin, comme on l'a dit, qui est souverain du jour de la résurrection. Sourate al-Fatiha. Également, Fi Maq'adi. Sidqin inda malikin muqtadir. Auprès d'un emplacement de vérité, dans un emplacement de vérité auprès du roi, al-muqtadir, ce serait l'omnipotent à peu près. Muqtadir bimana al-qadir, takriban. Celui qui peut tout faire. Celui qui a la capacité absolue. Et ça, c'est dans Surat al-Qamar, la lune, verset 55. ثم قال الأحد الصمد. الأحد, c'est le seul. Quel sens de le seul? Et الصمد, c'est un sens. Il y a eu plusieurs sens qui ont été donnés à الصمد. Certains ont dit que c'est le même sens que l'أحد, qui est dire l'unique, le seul. Et d'autres qui ont dit مما قيل الذي لا جوف له, celui qui n'a pas. Je ne sais pas comment dire en français. Une chose qui creuse de l'intérieur. Et ça, Jawfala. Je ne sais pas comment dire en français, j'ai oublié sur le moment. Par exemple, nous, l'être humain, on est creux, on a un intérieur vide, avec un contenu. Mais que Allah Azawajal n'est pas comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Wad-dalilu, qu'allu Allah Azawajal, qu'allu hu Allahu ahad, Allahu samad. Donc dit, il est Allah l'unique, Allah le seul. Ou plutôt, dit qu'il est Allah le seul, Allah l'unique. Et également, comme on l'a dit, la man la jawfala. Wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala Allah azza wa jal, wa ana al-ahad as-samad, lam alid wa lam ulad, aw lam ulad, wa lam yakun li kufuwan ahad. Selon Abu Huraira, que Allah Azza wa Jal, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah Azza wa Jal a dit à propos de lui-même, comme dans la sourate Al-Ikhlas, je suis Allah, je suis le seul, l'unique, je n'enfante pas et je n'ai pas été enfanté, et rien ne m'est égal. Et ça, c'est un hadith rapporté par le Bukhari. Hadith sahih, hadith est authentique. Summa qala al-wahidu al-qahhar. Donc, le wahid, c'est le sens de ahad, à peu près, le seul, l'unique. Parce que wahid, à la base, c'est le nombre en arabe qui veut dire un. Wahid, isnain, thalatha, arba'a, akada. Le wahid, c'est un. Donc, c'est le sens de le seul. Wa dalilu qawlu Allah azza wa jal, wa huwa al-wahid al-qahhar. Il est le seul, et qahhar, c'est le sens de grand dominateur. Dominateur suprême. Et comme on va voir également, ça s'appelle Al-Qahir et Al-Qahar. Après, ce sont des wazn, ce sont des mesures en langue arabe qui, par l'ajout d'une lettre ou le déplacement d'une lettre, peuvent avoir plus d'intensité dans le sens. Mais en français, on ne peut pas le retrouver, ça, malheureusement. D'où notre insistance auprès des frères et des sœurs de s'efforcer d'apprendre la langue arabe, qui a des subtilités qui n'apparaîtront jamais en français. Pour différents noms d'Allah Azzawajal, tu vas employer le même mot en français à chaque fois. Et tu ne verras pas la différence. Comme on dit par exemple, on a dit tout à l'heure, El-Malik, El-Malik, El-Malik. Mais il y a des différences en arabe. Par rapport à la mesure, ça s'appelle Wazn, Wazn Sarfi. Dans le sens du Sarf, qui est la science de la transformation des mots et de la mesure des mots. Quand on connaît certaines mesures, on sait ce qu'elles veulent dire. À partir d'une même parole, on va prendre un mot qui aura une racine. Cette racine sera connue, donc on connaîtra le sens. Et après, avec les mesures qu'on aura différentes, on saura ce que ce mot voudra dire. Par exemple, on avait le mot fataha. Fataha, qui veut dire ouvrir. C'est le verbe qui veut dire ouvrir. D'accord ? Ouvrir. Eh bien, quand on rajoute un alif avec une kasra sous le ta, fatih, celui qui ouvre. Quand on dit maftouh, c'est ce qui est ouvert. Quand on dit le fattah, par exemple, c'est le conquérant. Le fait d'ouvrir. Fattah, c'est quelqu'un qui va ouvrir un lieu, un pays. Et le fath, c'est également le sens d'ouverture, comme on l'a dit, et également le sens de conquête. Et par exemple, surat al-fatiha, on retrouve encore dedans le fa, le ta, le ha, c'est la surat d'ouverture. Tout ça, c'est un lien, en fait. Et quand on apprend les mesures, avec à la base une racine, on sait tout ce que veut dire les mots qui vont autour, en général. ثم قال الولي الحميد. Donc الولي, c'est l'allié. Et الحميد, c'est le loué. والدليل قال الله عز وجل وهو الولي الحميد. Et il est l'allié et le loué. ثم قال المولى النصير. Al-Mawla al-Nasir. Donc Al-Mawla al-Nasir, c'est un sens synonyme qui voudrait dire l'assistant, le secoureur. Et également l'allié. Quand Allah Azza wa Jal, fani'ma al-Mawla wa ni'ma al-Nasir. Donc quel bon protecteur et quel bon secoureur. Mawla, ça peut être également le sens de protecteur, oui, en effet, on peut dire comme ça. Surat al-Hajj, verset 78. ثم قال الرقيب الشهيد. الرقيب, c'est celui qui observe, qui voit tout et qui surveille. والشهيد, là c'est le sens de témoin. Donc c'est un peu le sens de رقيب, parce que le témoin, c'est quelqu'un qui voit, qui sait ce qui se passe. والدليل قول الله عز وجل فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. Donc dans le sens où Allah dit que lorsque Isa lui a dit, lorsque tu as pris mon âme pour me faire monter aux cieux, tu étais, c'est-à-dire après mon départ, certes tu observais ce qu'ils faisaient les gens après mon départ, et tu es témoin de toutes choses. Surat al-Ma'ida, la table servie, verset 117. Donc là le mot raqib et shahid, également ils se ressemblent. As-Sami' al-Basir. As-Sami' qui vient de qui veut dire le parfaitement audient, qui entend tout. L'ouïe d'Allah Azzawajal, elle est parfaite, il entend tout. Wal-Basir, c'est le parfaitement clairvoyant, celui qui voit tout. Inna Allah la yaghfir alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Allah, il n'y a rien qui lui échappe sur terre, dans les cieux. Tout ce qui s'y trouve, Allah, il voit tout. Il entend tout. Et il sait tout. والدليل قول الله عز وجل إن الله هو السميع البصير. ك que Allah est vraiment le parfaitement audient et parfaitement clairvoyant. Afir, pardonneur, verset 20. Al-Haqqu al-Mubin. Al-Haqq, c'est la vérité. Al-Mubin, c'est l'évident. Wa dalil qu'Allah Azza wa Jal, wa ya'lamuna anna Allah wa al-Haqq al-Mubin. Surat al-Nur, la lumière, verset 25. Et ils savent que Allah, c'est la vérité. Et on pourrait croire que là, Al-Mubin, ça pourrait être un attribut de Al-Haqq. Je ne sais pas s'il y a une divergence dans ce verset. Mais en tout cas, Cheikh Yahya, lui, il a mis Al-Mubin comme étant parmi nous d'Allah, Azza wa Jal. Et sûrement que dans d'autres versets, c'est venu. Mais là, c'est vrai qu'on pourrait croire que Al-Haqq ou Al-Mubin, c'est-à-dire que Mubin, c'est le Haqq qui est Mubin, en fait, qui est clair, qui est évident. Non. Fumakal Al-Latif Al-Khabir. Al-Latif, c'est le doux. Al-Khabir, c'est le parfaitement informé. وَدَلِيلُكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Et n'est-ce pas donc celui qui a tout créé, qui sait tout? Allah a tout créé, donc il sait forcément tout ce qui se passe. Il est le doux et le parfaitement informé. Al-Mulk, la royauté, verset 14. Al-Qarib, Al-Mujib. Et vous voyez bien, ces noms-là, ils ont tous une mesure qui se ressemble. Latif, Khabir, Samir, Basir, Qarib, Mujib. D'accord? Comme je vous l'expliquais, ce sont des mesures en langue arabe qui existent, qui font que lorsque la personne connaît la racine du mot, elle arrive à déduire les autres mots qui en naissent. Bien que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas créés. Il faut bien se dire cela. Les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas créés. Mais la langue arabe, elle a des règles qui permettent de pouvoir comprendre. Al-Qarib, c'est le proche. Al-Mujib, celui qui répond. Quand Allah Azza wa Jal, Inna Rabbi Qaribun Mujib. Que vraiment mon Seigneur est proche, il répond, il exauce. C'est ce qu'on appelle. Surat Hud, verset 61. ثم قال الكريم والأكرم الكريم الأكرم et ces deux-là ils ont la même racine qui est le kef le ra et le mim الكرم qui vient de la noblesse qui vient de la générosité qui vient dans ce sens-là donc الكريم c'est ça peut être le noble ça peut être dans ce sens même le généreux et أكرم à la waz afael qui veut dire le plus noble et le plus généreux par exemple quand on dit Kabir, ça veut dire quoi Kabir? Ça veut dire grand. Quand on dit Akbar, ça veut dire le plus grand. Ce qui vient à la wazn af'al, c'est ce qu'on appelle les asma tafdil, les noms de superlatif, pour dire qu'une chose est plus qu'une autre. Après, des fois, le sens de superlatif n'est pas dans l'absolu, des fois ça peut avoir un autre sens, mais souvent c'est comme ça qu'on dit. Ce qui vient à la wazn de af'al, par exemple Kabir, Akbar, Sarir, Asrar, Tawil, Atwal, كذلك كريم أكرم عليم أعلم pour dire plus d'accord plus ça c'est en le sens de base après ça peut avoir d'autres significations والدليل قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ô toi l'être humain qu'est-ce donc qui t'a leurré au sujet de ton Seigneur le noble الانفطار La fissure, verset 6. Et Ikra wa Rabbuk al-Akram. Lis, car ton Seigneur est le plus noble, et le plus généreux. Al-Akram. Surat al-Alaq, l'adhérence, verset 3. Thumma qal, parmi ses noms, Al-Aliyu al-Azim. Al-Ali est celui qui est le très haut. Qui vient de l'Ulu. Al-Ulu qui est l'élévation. Al-Ali. C'est le Très-Haut. Comme le prénom Ali que vous connaissez, ben là, Al-Ali avec El, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal. Al-Azim, c'est l'immense. Une chose qui est grandiose. Wa dalilu qu'Allah Azza wa Jal wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-Aliyu al-Azim. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal parle à propos des cieux de la terre. Que le fait de les garder, de les protéger ne le fatigue en rien, cela ne lui coûte rien. Et qu'il est le très haut et l'immense, le grandiose. ثم قال الحسيب الوكيل. الحسيب, celui qui est prompt à tout compter, qui dénombre tout. والوكيل, c'est le garant. قال الله عز وجل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. C'est-à-dire que cela leur a, le fait d'avoir entendu les versets, cela leur a rajouté de la foi et ils ont dit que Allah nous suffit et quel bon garant. Al-Imran, famille d'Imran, verset 173. Et, وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, et que Allah suffit, Allah suffit à tout compter. D'ailleurs, dans le verset, on dirait comme comptable. Le mot comptable, c'est un mot, voilà quoi, c'est, ça donne pas trop de la valeur. Mais, Takaliman, le sens, ce serait cela, la traduction. Bien sûr qu'Allah Azawajal, c'est-à-dire il compte tout, il connaît tout. Donc, selon le moindre détail. Toute chose. Ça, c'est Surat An-Nisa, verset 6. Suma qawala al-Shakur al-Halim. Al-Shakur, c'est le grand reconnaissant. Ou al-Halim, ce serait l'indulgent, le compatissant. Et Halim, ça va avoir également le sens de Halim. Ou Hakim. Savant ou sage. Quand Allah Azawajal, Wallahu shakurun halim, que Allah est reconnaissant et qu'il est indulgent. At-Taghabun, verset 17. Thumma qala al-barru. Al-barru, c'est le sens le bon, en fait. Annahu huwa al-barru ar-rahim, que Allah est le bon et le miséricordieux. Surat At-Tur, verset 28. ثم قال الشاكر. الشاكر, c'est un peu le sens comme شاكور. Vous voyez, ce sont les mêmes racines. C'est le shin, le kaf et le ra, qui vient de shukr, du remerciement. Donc شاكور et شاكر, ce sont des noms qui se ressemblent. قال الله عز وجل وكان الله شاكرا عليما, et que Allah était également, on va dire, reconnaissant et omniscient, qu'il sait tout. Et Allah Azza wa Jalla justement, min shukrihi annahu yazid li 'abdihi ash-shakir ni'matan minhu. Parmi la reconnaissance d'Allah Azza wa Jalla pour son serviteur, c'est que pour son serviteur lui-même remercie Allah Azza wa Jalla, ben Allah également remercie et donne encore plus à son serviteur. Mais bien sûr, le shukr d'Allah, ce n'est pas comme le nôtre. Naam. Thumma qala nuqbil bi hadha al-ism. Al-Wahhab. Al-Wahhab, ce serait le grand donateur. Quand Allah Azza wa Jal, Am indahum khaza'inu rahmati rabbika al-aziz al-Wahhab. Donc, ont-ils donc les, on va dire, les réserves de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le grand donateur. Donc, Al-Wahhab, c'est ça. C'est le grand donateur. On va finir la page d'après. Al-Qahir. Al-Qahir, ça ressemble à Qahar, comme on l'a pris tout à l'heure. Donc c'est les mêmes racines, c'est le Qaf, le He et le Ra. Al-Qahr, qui veut dire le fait de dominer. Sauf que Qahar, c'est plus fort que Qahir. Wad-dalilu qu'Allah Azza wa Jal, wa huwa al-Qahiru fawq 'ibadihi, et qu'il est le dominant au-dessus de ses serviteurs. Al-An'am, les bestiaux, verset 18. J'ai oublié, Al-Wahhab, c'est dans Surat Sad, verset 9. Des fois, j'oublie si c'était les versets avec la Surat, ça arrive. Désolé. Thumma qala Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, c'est le grand pardonneur. Et vous allez voir que ce nom-là a la même racine que le Ghafour, qui est le Ghayn, le Fa et le Ra, qui vient du pardon, comme Maghfira, comme Istighfar. Ça vient de cette racine-là, le Ghayn, le Fa et le Ra. Donc Ghaffar et Ghafour, ils ont des sens approximatifs. Là, c'est Ghaffar, c'est le grand pardonneur. Quand Allah Azza wa Jal, Rabbus samawati wal ard, wa ma baynahuma al-aziz al-ghaffar, qui est le Seigneur des cieux de la terre, et ce qui est entre les deux, le puissant et le grand pardonneur. Également, verset Sad, Sourate Sad, verset 66. At-Tawwab. At-Tawwab, ça vient de Tawba. At-Tawwab, c'est les grands accueilleurs. Accueillant au repentir. Celui qui accueille le repentir. Le grand accueillant au repentir. Quand Allah Azza wa Jal, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Que Adam a reçu des paroles de son Seigneur, qui lui a accepté son repentir, et qu'il est le grand accueillant au repentir et le miséricordieux. Tawwab. Et justement, ce nom, comme le Tawwab, démontre que Allah Azza wa Jal aime qu'on se repente. Et il faut qu'on se repente, car ces noms impliquent forcément une action. Tout nom d'Allah Azza wa Jal implique un attribut qui va avec, mais pas le contraire. C'est-à-dire, chaque nom, on en prend l'attribut. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il peut avoir des attributs, mais on n'en tire pas un nom forcément. Mais par contre, tout nom renferme forcément l'attribut qui va avec. Thumma nukmil al-Fattah. Al-Fattah, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, Fattah, ça peut être celui qui arrive à conquérir. C'est celui qui ouvre. Donc Allah Azza wa Jal, huwa al-Fattah al-Alim. Et pour, là, ce serait pour un homme, le Fattah, c'est le conquérant, mais pour Allah Azza wa Jal, c'est celui qui ouvre, justement, qui accorde. C'est dans le doigt, lorsqu'on dit Allah yaftah alayk, que Allah t'accorde. Yaftah, c'est-à-dire qu'il t'ouvre les choses pour que tu comprennes, pour que tu obtiennes, pour que tu réussisses. Donc le Fattah, au sens was de fa'al, c'est celui qui fait cela, mais à grande échelle, très très grande échelle. Et l'alim, on l'a déjà pris. Ah, j'ai oublié le verset d'avant, Fatalaqa Tawwab, c'est surat al-Baqarah, verset 37, et celui-ci, wal Fattah ou l'alim, c'est Saba, verset 26. Naam. Donc là, on en est arrivé à combien ? À 72 noms. Il se peut qu'on finisse dans le prochain ders, Inch'Allah, le reste des noms. Naam. فَنَسْتَنَكْتَفِ بِهَدَ الْقَدْرِ وَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.